quatrième et dernier temps de notre série sur les relectures contemporaines de la Révolution française. Aujourd'hui, le documentaire signé Victor Massel d'Épinay et Marie-Laure Ciboulet. Ce matin, pour terminer notre série sur les relectures de la Révolution française, nous allons nous plonger dans un moment intense de réinvention de cet événement. C'était le bicentenaire de 1989. Un bicentenaire dont le clou spectaculaire fut bien sûr le défilé préparé par le publicitaire Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées à Paris. Un défilé baroque et coloré auquel participèrent aussi des musiciens traditionnels qui pratiquaient le tambour, la cornemuse, le violon ou encore l'accordéon diatonique. Ils étaient plus habitués au bal folk qu'à la marche au pain, et c'est cette histoire que raconte justement la marche des mille. Un moment d'histoire, le documentaire de Victor Mosset de l'Épinay et de Marie-Laure Ciboulet, avec les témoignages de Michel Quatredenier, Jean-Jacques Lanfranchi, Raphaël Thierry, Patrick Garcia, Olivier Durif, François Ganneau, Jean-Noël Jeannonet, Christian Dupavillon et Wally Badarous, et jusqu'à 10h sur France Culture dans la Fabrique de l'Histoire. J'aimais bien ce que faisaient les accordéons. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Je faisais partie du pupitre de cornemuse. Il y avait un pupitre de vielle, un pupitre d'accordéon diatonique, un pupitre de violon. Mais surtout ce que faisaient les tambours. Quand on est arrivé en haut de l'avenue des Champs-Élysées et qu'on a vu toute cette avenue avec tout le monde qui avait rempli devant nous de groupes qui avaient déjà défilé, j'avais l'impression que tout le monde écoutait ma vielle alors que j'étais noyé parmi les mille et parmi tous ces tableaux qui avaient été préparés par Jean-Paul Goude. La marche qu'on jouait était assez complexe, avait plusieurs parties. Il y avait un moment où les cornemuses ne jouaient plus. Et quand les cornemuses reprenaient, c'était en fait le début du thème, hein, quand les cornemuses reprenaient, on entendait toute la foule qui avait eu le temps, pendant les 15 jours précédents, d'entendre cet air à la radio et de le mémoriser. On entendait toute cette foule qui chantait « la la la » en même temps que nous, on attaquait le morceau. Et c'était phénoménal. La marche des mille, un moment d'histoire. Victor Massé de l'Épinay, Marie-Laure Ciboulet. C'est vrai que la mélodie que nous a fait jouer Jean-Paul Goude, ça n'avait rien à voir avec nos musiques, mais on était tellement, je dirais, contents de participer à ce moment collectif qu'on sentait historique, que bon, bah, on est passé là-dessus. Certains de nos amis sont pas passés là-dessus, ils sont pas venus parce qu'ils trouvaient que ça correspondait pas à nos musiques. Et dans le fond, ils avaient raison. Mais moi, je regrette pas d'y être allé quand même. La parade de Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées, le 14 juillet 1989, a été le point d'orgue des festivités du bicentenaire de la Révolution française, organisées tout au long de l'année sur tout le territoire national. Pendant près de 3 heures, plusieurs centaines de milliers de spectateurs et plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde ont pu admirer cette procession festive et musicale, composée de nombreux tableaux ou entrées qui défilaient les uns après les autres, de l'Étoile à la Concorde. Parmi ces tableaux, le plus marquant restera sans aucun doute celui de la cantatrice Jessie Norman, habillée d'un immense drapeau tricolore flottant dans le vent, chantant la Marseillaise au pied de l'obélisque. Les Chinoises et leurs bicyclettes, les Soviétiques, les Africains ou les lanceurs de drapeaux de Sienne auront également frappé les esprits. On se souvient peut-être moins de l'un de ces tableaux, le plus franco-français, celui d'un millier de musiciens traditionnels venus de toute la France et défilant au son des vielles, cornemuses, galoubets et accordéons. François Gano, conservateur du patrimoine et historien, a consacré à cette « Marche des Mille » une étude publiée en 2015 par le LAIC, Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture. C'est cette étude qui est le point de départ de notre documentaire. François Gano nous en explique la genèse. Comme de très très très nombreux Français, j'étais devant ma télé ce soir-là. Et je crois que c'est pas du tout de cette marche dont je me souviens, mais plutôt des valseuses, des Anglais sous leur parapluie, enfin bref, de tout ce qui était plutôt défilé des nations que défilé des provinces de France. C'est bien après que j'ai réalisé l'importance de l'épisode, alors que j'avais commencé une enquête sur ces militants et ces associations de musique et danse traditionnelle français, donc en 2011 en fait. Celui qui allait devenir mon gendre, qui jouait de la cornemuse, m'a dit « Ah mais tu sais, tu devrais t'intéresser à cet épisode-là, parce que les gens avec qui je fais de la cornemuse, il y en a beaucoup qui ont défilé, pour eux c'était vraiment un moment extrêmement important, ils s'en rappellent, ils se réunissent même pour l'évoquer entre eux, donc je pense que tu trouverais là un sujet essentiel. » Et donc du coup, j'ai un peu gratté, et je me suis rendu compte en effet que ça avait été un moment un peu fondateur, un moment de reconnaissance en fait, après lequel tous ces musiciens amateurs couraient depuis de très nombreuses années. Une des sources que j'ai particulièrement exploitées, ce sont des archives audiovisuelles qui figurent dans le fonds d'archives de la mission du Bicentenaire, où je suis évidemment allé fouiller tout de suite. J'ai repéré des dizaines de cassettes vidéo qui résultaient du travail du grand documentariste Serge Moati, qui avait effectivement été chargé d'être en quelque sorte le chroniqueur vidéo du Bicentenaire, du 1er janvier au 31 décembre. Entre autres événements, Moati a suivi la préparation et la réalisation de la Marche des Mille. Palais de l'Élysée, 24 mars 1989. Voilà, Ivolf avait l'air moderne. C'est une façon habile de montrer les galarous, les cornemuses, tous ces instruments poussiéreux pour lesquels on a un petit peu de condescendance et les rendre tout à fait modernes et contemporains. Très bien. Vous voyez beaucoup d'imagination dans tout ça. Alors, il était plus de 20% d'échecs. Effectivement, on a beaucoup parlé du masque impérial de Mitterrand et de sa hauteur, alors même que ce n'était pas la taille qui le faisait dominer son entourage. Et là, effectivement, on sent une assemblée de courtisans pétrifiés de trouille à l'idée de ce que va dire ou ne pas dire le monarque. Et dans cette assemblée de courtisans, Jean-Paul Goude tranche déjà par sa mise vestimentaire. Lui, c'est pas le costume cravate. Il arrive avec une grande écharpe rouge, et une tunique blanche assez étonnante. Et surtout, il est face à une maquette, la maquette qui représente les chants, où il va expliquer comment ça va se dérouler. Et il est d'une décontraction totale. Très bien, mais je vous remercie. Jean-Noël Jeannet, pouvez-vous nous expliquer à quel moment vous êtes retrouvé associé à l'organisation de ce bicentenaire et ce que vous faisiez, quel était votre rôle dans ce bicentenaire? J'ai été nommé président de la mission du bicentenaire, chargé de préparer les fêtes, de les organiser, de leur donner un sens par le président Mitterrand, juste au moment où il a été réélu pour son second septennat. Nous avions pris comme épigraphe pour notre action le mot de Victor Hugo, il y a plus de terres promises que de terrains gagnés. Et c'est cela qu'il a fallu signifier par toute une série de manifestations. On a souvent oublié le nombre d'événements qui sont survenus en région. Des milliers d'arbres qui ont été plantés, des reconstitutions de l'histoire des villages à tel ou tel moment, dans les classes aussi. Mais enfin, il a été évident assez vite que le clou serait le 14 juillet, forcément. Le choix a d'abord été de ne pas travailler avec Jean-Michel Jarre, ce qui avait été déjà prévu antérieurement, non pas que nous mettions en doute la qualité, le talent, l'inventivité de Jarre, mais nous avons eu le sentiment qu'il allait faire une fête qu'il avait déjà faite un peu ailleurs, en Chine, en Angleterre, etc. Il fallait inventer quelque chose de différent. L'autre propos initial a été de ne pas, comme cela avait été le cas pour le centenaire en 1889, de ne pas prétendre mettre en scène une sorte de reconstitution de la Révolution, ni d'ailleurs une métaphore un peu simple. On avait fait en 1889, défiler des sociétaires de la Comédie française, incarnant sur des chars la liberté, l'égalité, la fraternité. Il nous est apparu qu'il fallait prendre un autre parti et qu'il fallait faire un grand défilé qui présenterait, pour une part, l'héritage de la Révolution française. Pour une part, je dis pour une part, parce qu'il fallait aussi faire un certain nombre de concessions à la nécessité de la fête. Faire un grand défilé qui donnerait du bonheur à ceux qui pourraient le voir directement ou à la télévision. Et c'est là que nous avons cherché quelqu'un qui pourrait, avec talent, représenter cela. Et c'est une idée de Christian Dupavillon. Jacques Lang s'était fait nommer ministre du Bicentenaire, quelque temps après ma propre nomination, et c'est son collaborateur, il faut lui rendre hommage, Dupavillon, un architecte, qui a eu l'idée du choix de Jean-Paul Goude. Pourquoi Jean-Paul Goude ? Parce que c'est un publicitaire, ça a été très mal vu, prendre un publicitaire, mais c'est un publicitaire de très grand talent. Christian Dupavillon. Il y a quelques publicités qu'il a fait, que j'aimais énormément, qui étaient des petits spectacles. Et je pense qu'il était fait pour ça, pour faire un grand spectacle. Alors je suis allé le voir, il était en train de tourner une publicité pour Air France. Et je lui ai parlé de ça, il m'a dit, il faut que je réfléchisse, et je vous appelle. Et puis une heure après, il m'a appelé, il m'a dit, ah oui, ça m'intéresse. Et alors, je lui ai fait un cahier, une reliure de toutes les idées que j'avais en tête pour célébrer le 14 juillet 89. Notamment les Champs-Élysées, notamment la Marseillaise, différentes choses. Et j'ai fait des photocopies de la fête de la Fédération, les gravures sur la fête de la Fédération qui avait lieu sur le Champ de Mars, et des cortèges et tout ça qui venaient de toute la France. Je ne sais pas si ça l'a inspiré ou non, en tout cas c'est resté. Et puis il s'est mis au travail et on a mis plusieurs mois à monter cette fête. L'idée de Jean-Paul Goude, de parade, 25 avril 1989. En fait, m'a toujours intéressé. C'est un exercice que je considère comme un exercice théâtral. Ce qu'on connaît de la parade, c'est la parade militaire, ou les parades genre Thanksgiving parade en Amérique, ou le carnaval de Rio, le carnaval de Nice. Là, il s'agit de prendre comme paramètre la parade et d'en faire une création à la fois chorégraphique et musical. Donc, imaginez les Champs-Élysées, la nuit, 1000 tambours venus de toute la France entière sont arrivés de leur petit village sur des chemins poussiéreux, ensuite empruntant des routes goudronnées, puis l'autoroute et arrivent aux portes de Paris, suivis immédiatement d'une participation de 800 musiciens traditionnels français. Ce qui nous intéressait, il fut très clair d'origine que nous célébrerions non seulement le 14 juillet 1789, mais aussi la fête de la Fédération de 1790, grand moment d'unité nationale. On dit souvent qu'il y a une fièvre de commémoration aujourd'hui, l'utilité du souvenir à des dates régulières a été mise en valeur depuis très longtemps, puisque c'était juste un an après la prise de la Bastille. C'était le premier grand anniversaire dont nous avions à nous préoccuper, la fête de la fraternité. Nous n'avons jamais oublié que la fraternité devait être un élément majeur du contenu affectif et idéologique de notre propre célébration. Cette fête des droits de l'homme était aussi celle de l'unité française en train de se constituer. Et c'est bien l'idée de ce tableau que Jean-Paul Goude a donc inséré dans ce qu'il appelait lui-même son opéra-ballet, donc cette marche des mille, cette marche des provinces françaises, des provinces et pas des départements en l'occurrence. Donc on est bien dans la filiation à la fois avec l'Ancien Régime et avec la Révolution, mais la Révolution, je dirais, heureuse, celle qui fait l'unité de la nation. Et donc ça, c'était le point sur lequel Jean-Paul Goude et Jean-Noël Jeannet se sont retrouvés. Ce qui nous intéressait musicalement, c'était de montrer qu'il y avait autre chose que le top 50 ou la musique classique. Il y avait aussi les musiques traditionnelles qui pouvaient faire leur entrée sur les ondes. La gageure de Wali Badarou a été de mettre en musique une fantaisie à moi, c'est-à-dire de décaler l'objet qu'on peut considérer comme désuet, poussiéreux, enfin ça dépend des gens, hein, Et là, il s'agit de le rendre moderne, de l'incorporer à la musique contemporaine. Wally Badarou, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes retrouvé associé à ce projet ? Le bicentenaire, pour moi, c'est une longue lignée de choses auxquelles je n'ai pas su dire non. Donc, on m'avait invité à faire un disque de Chris Jones avec des musiciens jamaïcains, avec un producteur jamaïcain. Et à cette époque-là, Chris Jones, son petit ami, s'appelait Jean-Paul Good. Et quelques années plus tard, lorsque le ministère de la Culture, la personne de Jack Lang, confie à Jean-Paul Good les festivités principales, on va dire, du bicentenaire, eh bien, Jean-Paul cherchait un certain Herbie Hancock, qui à l'époque était auréolé de tout le succès de ce que Rocket, le single, lui avait apporté, lui qui était déjà une sommité du jazz bien connue. Et il se trouvait que Jean-Paul Good savait que j'étais en relation avec Hancock parce que nous avions été invités à travailler ensemble sur le premier disque solo d'un certain Mick Jagger. Et je savais que Herbie Hancock n'était pas disponible. Donc je le lui ai dit. Et il s'est dit, toi, tu es à Paris, toi. Mais oui. Et tu es bilingue. Mais oui. Et tu fais des musiques de tout, quoi. Pas seulement du reggae, du jazz, du funk, mais également des choses assez traditionnelles, assez classiques. Ben oui. Et donc il s'est dit, pourquoi pas toi ? Et je n'ai pas su lui dire non. Alors comment est-ce qu'on fait pour composer une musique, non seulement qui puisse être jouée par le plus grand nombre, mais surtout qui puisse éveiller chez des musiciens aussi bien breton que occitan, que savoyard ou que berrichon, quelque chose qui évoque une idée de tradition, de musique traditionnelle, de musique folklorique, régionale. Comment est-ce que vous avez commencé à réfléchir ? La première des choses que j'ai faites, c'est d'abord de m'assurer que j'avais une trame rythmique. Donc Robert Gout, qui était le responsable des tambours, m'a permis de prendre conscience de l'importance de la tradition du tambour français, m'a fait découvrir certains trames, certaines choses rythmiques, des rigodons, et j'en ai trouvé une, ce fameux rap, tap, tap, tap, tap, tap, rap, tap, tap, tap, tap, tap, qui se répète sur 8 mesures, et c'est elle qui a inspiré la mélodie finalement. Il se trouve que j'ai fait mon service militaire en France, en Bretagne, à Vitré, la Landouée, 41e régiment d'infanterie. Et dans ce régiment, il y avait un bagad. Et c'est comme ça que ça a été, si vous voulez, mon premier contact avec cet instrument particulier qu'est la cornemuse et son bourdon. Sans le savoir, ce bagad allait me nourrir de sonorités qui m'allaient être utiles quelques années après. Pour rencontrer des anciens de la Marche des Mille, m'avait-on dit, le mieux c'est de bloquer son week-end du 14 juillet et d'aller à Ars, dans l'Indre, près de La Châtre. Le festival Le Son Continue, dans le parc du château, est un rendez-vous incontournable des musiques et des musiciens trad, folk ou populaires. Et là-bas, attention à ne pas confondre un bagpipe et un biniou, une musette bressane et une grande nivernaise. Cornemuse est un terme générique, c'est une famille d'instruments et on a des cornemuses différentes par région et par pays. Donc il y a plus ou moins de tuyaux sur une poche qui est gonflée, généralement à la bouche, parfois avec un soufflet. Alors lors de la marche des mille, il y avait essentiellement des cornemuses qu'on appelle du type Centre-France. C'est une cornemuse qui a un bâton chanteur, une flûte si vous voulez, dans les mains, à hautbois, avec un petit bourdon et un grand bourdon d'épaule, un grand bourdon sur l'épaule qui part derrière. Mais il y avait d'autres modèles de cornemuses. Je jouais personnellement d'une cornemuse dite béchonnée avec le bourdon d'épaule qui est déporté sur le devant, par exemple. Bon, on a ici une belle illustration de la variété des cornemuses. On est en train d'écouter un ensemble de gaïtas espagnols qui nous font plaisir comme ça, tout à fait gratuitement, en nous donnant l'aubade. Au Festival d'Ars, attention aussi à ne pas confondre musique trad, musique folk, musique populaire, musique folklorique. Patrick Garcia nous aide à nous y retrouver un petit peu. Le groupe folklorique tel qu'on le voit encore aujourd'hui, il y a des festivals internationaux. On danse avec des sabots, les femmes ont des jolies robes, avec des coiffes. Et à cette époque-là, la musique était secondaire. C'était le spectacle visuel avec les différentes régions françaises. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que Pétain avait mis ça en avant, quoi. Donc voilà, qu'on le veuille ou non, ça traîne quand même une histoire. Et moi j'ai intégré un groupe en tant que musicien qui était assez ancien, qui avait été créé par les enfants de membres de groupes folkloriques. Sur Paris, il y avait différentes régions de France qui étaient représentées. Et bien les enfants tout petits accompagnaient les parents, ils avaient appris naturellement les danses et tout. Mais ils voulaient pas le cadre rigide d'une représentation chorégraphique. Et ils se sont mis à dire, oui, mais nous, si on a envie de danser une bourrée, on peut la danser en jean et en basket. Et c'est ça qui m'a attiré, moi, dans cette musique-là. C'est le fait de pouvoir s'appuyer sur une tradition musicale, mais en étant de mon temps, quoi. Moi, je suis un enfant du rock. Je peux pas jouer une mazurka sans la swinguer. L'histoire commence, si tant est qu'elle commence seulement si tard, dans la seconde moitié des années 60, quand en fait l'Amérique exporte en Europe et notamment en France le mouvement folk, création de folk clubs à Paris, à Lyon, dans d'autres villes universitaires, et aussi, je dirais parallèlement, dans un certain nombre de régions de France, des jeunes gens qui sont souvent des militants proches des mouvements agricoles, disons de gauche, se réapproprient des traditions musicales qu'ils ne veulent surtout pas appeler folkloriques et dont ils veulent faire le ciment d'une fierté paysanne opposée à celle des nantis. Ce qu'on a appelé après le mouvement trad pour musique traditionnelle déclenche un grand mouvement de collectage. Ce mouvement de collectage amène une sorte de structuration du mouvement, c'est-à-dire que il y a de plus en plus d'associations, on multiplie les festivals également, qui sont des festivals tout à fait en marge de l'institution, qu'on monte avec trois bouts de ficelle et pas beaucoup de subventions. Et puis arrive l'alternance de 1981, Jack Lang arrive au ministère de la Culture, nomme comme directeur de la musique un journaliste, un peu ethnomusicologue, en tout cas collectionneur d'instruments de musique exotiques, qui s'appelle Maurice Fleuret. Et Maurice Fleuret décrète en quelque sorte que sa direction de la musique va devenir la maison de toutes les musiques. Donc tout ceci débouche en 1985 sur la création d'une fédération qui existe toujours, la Fédération des associations de musique et danse traditionnelle, et d'autres actions qui vont favoriser donc la structuration du milieu, publication d'une revue de référence qui s'appelle Modal, organisation de colloques, de stages sur le terrain, etc. C'est donc dans ce paysage-là, mais alors tout à fait indépendamment, je dirais, de cette dynamique, qu'arrive la commémoration du bicentenaire. On avait la chance à l'époque que le réseau des musiques traditionnelles était en pleine structuration. Je crois que quelques années avant, ça aurait été peut-être plus difficile de rassembler autant de gens sur ce projet. Raphaël Thierry. Donc pour nous, c'était l'occasion de mettre nos musiques un peu en lumière, les mettre en scène, ce qui n'existait pas dans le milieu des musiques traditionnelles, parce que la musique traditionnelle est avant tout une musique de bal, une musique de concert, mais pas du tout une musique de spectacle. Et je crois que le projet présenté par Jean-Paul Goud a réussi à un petit peu à réunir tout le monde, enfin tout le monde. Restons quand même prudents par rapport à tout ça, parce que bien évidemment, il y avait des vrais dissidents. Il y a des gens qui se sont dit, non, mais comment pouvez-vous aller participer à ce projet, cette manne financière qui vient de l'État, alors que nous, on rame avec nos petits réseaux en pleine structuration des musiques traditionnelles, on réclame de l'argent, on nous aide jamais, et là, d'un seul coup, une manne financière tombe du ciel et vous précipitez dedans. Donc, il y a eu beaucoup de controverses autour de ça, ça nous a valu aussi des débats très animés. Ce qui est important, ça veut dire que ce projet-là ne passait absolument pas inaperçu. Ce qui était très clair, c'est que cette occasion était perçue comme une espèce d'occasion idéale pour montrer que les musiques traditionnelles étaient bien vivantes, qu'elles n'étaient pas juste un mouvement folklorique hérité d'un passé plus ou moins lointain et plus ou moins graveleux, si on va jusqu'au maréchal Pétain. Olivier Durif. Donc ça a créé voilà, un clivage entre un certain nombre de gens sur faut-il y aller, faut-il pas y aller. Personnellement, je n'y suis pas allé parce que, à l'époque, effectivement, moi je m'occupais de la fédération. Je n'étais pas son président, mais j'en étais pas loin. Et la fédération. Fédération des associations de musique et danse traditionnelle. Et donc on était effectivement en dialogue avec le ministère par rapport au financement public. Et donc du coup, pour nous, cette échéance-là était une échéance politique. Donc on ne voulait pas se tromper de débat. Parce qu'on a vu arriver, on l'a vu arriver quand même, on l'a espéré, cette arrivée de la gauche, elle était pour nous essentielle. C'était quand même la rupture avec ce mouvement gaulliste empesé, qu'on n'en pouvait plus, qui craquait de partout. En fait, on espérait qu'il y a d'un seul coup, un peu la société se reprendrait, qu'on allait effectivement parler du peuple et de sa culture, et pas simplement la culture de l'élite, comme on a vu, l'a vu arriver. Dans les années qui ont suivi, d'ailleurs, c'était beaucoup plus clair. Le second mandat Mitterrand, ça a été le prince des artistes. C'était pas ça qu'on souhaitait. Nous, c'était quelque chose de beaucoup plus organisé, de la culture populaire, des mouvements d'éducation populaire. On était pour cette logique-là, parce que la musique qu'on défendait, elle était finalement une musique de proximité, une musique simple et une musique qui causait aux gens directement. La gauche a perdu pied, à mon avis, là où elle devait faire un travail d'éducation populaire, elle a prétendu soutenir les artistes. Et ce n'est pas les artistes qu'il faut soutenir, c'est les publics qu'il faut soutenir. Moi, j'ai été musicien, j'ai joué dans les années 70, j'ai joué devant des pleines salles, parce qu'il y avait eu un travail qui était fait depuis la Libération par les mouvements d'éducation populaire, et il faisait que dans les MJC, dans les foyers ruraux, vous faisiez un concert, vous n'étiez pas connu, mais on venait. Donc, nous, il nous semblait que c'était cette réanimation qu'il fallait mettre en route. Et donc, la discussion sur l'événement de 89, est-ce qu'on n'est pas en train de détourner finalement le coup? Et certains d'entre nous, j'en faisais partie, faut le dire, pensaient qu'on se foutait un peu de notre gueule, quoi. C'est-à-dire que le politique se foutait de notre gueule, pas le projet artistique. Le projet artistique, c'était un projet intéressant, quelque part, novateur, quelque part, enfin au sens... Je veux dire, il n'interpellait pas les musiciens traditionnels dans le mauvais sens des choses. Il l'interpellait au bon endroit de ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire son actualité, sa façon de pouvoir incarner les soucis des gens d'aujourd'hui, quoi. Alors moi, c'est moi qui parle par rapport à ça, parce que c'est mon opinion aujourd'hui rétrospectivement, mais la gauche n'avait rien compris. Et parfois, on pourrait presque dire, elle n'a toujours rien compris à ce mouvement musical, à cette musique, à ces cultures et à ces traditions, parce qu'on est en France, parce qu'on est un pays sans doute jacobin, voilà, disons-le, et dans lequel tout ce qui est hors de ce jacobinisme-là est vécu comme un retour de l'ancien régime. Certains ont dit « on y va », d'autres ont dit « ben non, on n'y va pas, on n'y va pas ». L'opposition, alors là, radicale, est venue d'une seule région, à savoir la Bretagne, et en des termes qui, au fond, avaient peu à voir avec la musique, avec le défilé, et beaucoup avec, je dirais, la persistance d'un sentiment contre-révolutionnaire qui remonte à la terreur, quoi, grosso modo. Patrick Malrieux, l'un des cofondateurs de l'association d'Astume, qui a fait, par ailleurs, un travail absolument remarquable de regroupement et de valorisation d'archives sonores. Donc Patrick Malrieux a écrit, au printemps 1989, une sorte de lettre ouverte qui a été publiée dans Musique Bretonne, le mensuel de d'Astume, pour s'insurger contre cette preuve supplémentaire, s'il en était besoin, du colonialisme français, contre la Bretagne. Et alors là, pour le coup, il mettait en cause les parties esthétiques de Jean-Paul Goude, et en particulier, parce que donc Jean-Paul Goude avait commencé à diffuser dans la presse des croquis de costumes qu'il avait dessinés pour le défilé. Alors, ce qui était pour lui vraiment l'outrage majeur, c'était des coiffes bigoudaines avec un néon. Donc on remplaçait le tube en je ne sais quel textile par un néon, et donc là, c'était c'était vraiment pour lui la preuve que ces Parisiens ne respectaient rien et que ce bicentenaire était une occasion supplémentaire de manifester le mépris de Paris pour les cultures régionales en général et la culture bretonne en particulier. Et par conséquent, Patrick Mahieu terminait en appelant ses concitoyens bretons, hein, bien sûr, à boycotter de toutes les façons cette marche des mille et ce défilé. Nous ne voudrions pas être considérés ici comme ringards, rabat-joie ou anti-révolutionnaires primaires, mais ce projet, sous couvert d'exotisme et de créativité, est extrêmement provocant pour qui considère que ces musiques signifient autre chose que prétexte à spectacle. L'idéologie révolutionnaire a consisté à laminer tout ce qui pouvait constituer un semblant d'identité locale. Même 200 ans après, le moins que nous puissions espérer est un peu de pudeur. Tout au contraire, renouant avec la vieille tradition latine qui consistait à faire défiler les chefs des peuples dominés à Rome, on propose aux Bretons et autres Basques, Alsaciens, etc. de venir ainsi fêter leur propre négation. Et pour faire bon compte, il faut les déguiser au lieu de les respecter. Même les Romains n'avaient pas pensé à ce raffinement. Nous pensons que ce bicentenaire aurait été une bonne occasion pour l'État de savoir également reconnaître les erreurs et les outrances de la Révolution et de ses conséquences, donc de proposer des actions positives pour le respect des identités locales et des cultures populaires. Ceci aussi fait partie des droits de l'homme. Nous avons reçu un certain nombre de protestations. Jean-Noël, Jeannenet. Que l'on peut appeler girondines. Le vieux dialogue entre les Jacobins et les Girondins perdurant au long de deux siècles. Naturellement, il y a eu des Corses, des Bretons qui ont saisi cette occasion, mais comment leur en vouloir de rappeler ce qu'avait été le combat de ces provinces de France devenues des régions contre la centralisation. Manifestement, ça n'a quand même pas empêché les sonneurs bretons de participer, peut-être pas aussi nombreux qu'ils auraient pu l'être, mais enfin, il y a eu aussi des Bretons dans les participants à la marche des Mille. Bon, alors, de Bretagne, et d'ailleurs, les musiciens acceptent le projet, mais comment ça se passe concrètement, le recrutement? Comment est-ce qu'on les trouve, les Mille? Alors, un journal qui s'appelle Trad Magazine, qui on est peut-être à son troisième numéro seulement, lance en octobre, je crois, 1988, une sorte d'appel à la levée en masse. Musiciens qui avaient envie de jouer sur les Champs-Élysées le 14 juillet, faites-vous connaître, parce que vous pourriez participer au défilé du bicentenaire. Et cet appel est effectivement assez bien entendu. Les candidatures affluent de toute la France et donc le chiffre de 1000 exécutants, qui laissera son nom au tableau, la marche des 1000, il est en fait plutôt dépassé. Raphaël Thierry, vous avez été un des coordinateurs pour le Morvan. Très techniquement, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Comment ça s'est passé pour fédérer, organiser les déplacements, organiser les répétitions dans les mois qui ont précédé juillet 89? Je crois que c'était quand même assez simple, on n'a pas trop peiné non plus, dans nos régions respectives, tout le monde connaissait tout le monde à peu près, donc il a fallu faire passer l'idée dans nos différents ateliers en disant voilà, il existe un projet, est-ce que vous êtes partant là-dessus, en insistant lourdement, en leur disant à tous et à toutes que ce projet-là sera unique, qui ne se fera plus jamais, et c'est peut-être le moment, si vous le souhaitez, de vous investir dans ce projet. Bien sûr, un projet qui était à 100% bénévole pour tous ces gens-là, mais qui, pour nous, les responsables des pupitres, bien sûr, en tant que professionnels, nous étions payés. Vous parlez de tous ces gens que vous avez embarqués, Raphaël Thierry. Ils avaient quel âge, tous ces gens? Et vous-même, vous étiez un tout jeune homme à l'époque, il y a 30 ans. J'avais 26 ans, mais non, justement, il y avait des gens de tous âges. Il y avait des gamins, et je crois le plus âgé dans notre équipe, c'était Francis, qui à l'époque avait 65 ans. Il y avait vraiment tout le monde. Parce que c'est aussi une des particularités de la pratique de musique traditionnelle, c'est qu'elle est intergénérationnelle. Tout le monde pratique un instrument à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer ou pour arrêter. C'est le principe fondamental de l'éducation populaire, quand même. On est là pour faire ensemble et chacun apprendre l'autre. Ça, c'est important. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vous vous souvenez des cassettes, hein, les trucs qui tournaient, qui s'en mêlaient dans le lecteur de cassettes dans la voiture, qui étaient très énervants. Lorsqu'on a reçu la cassette, je crois qu'on l'a écoutée en boucle, en boucle, en boucle, Moi, je l'avais dupliqué pour tous les gens des ateliers et je leur avais dit « mettez-vous ça dans les oreilles avant qu'on commence à travailler » pour bien comprendre de quoi il s'agissait. Il y avait un atelier à Chalon, un atelier à Anneau, un atelier à Saulieu, un atelier à Nevers. Et je crois que tout le monde s'est accaparé cette musique en se disant « soyons prêts pour le premier rendez-vous entre nous » pour se dire « ok, on y va, on est très bon » et ça s'est passé comme ça et tout de suite... Dès les premières répétitions avec les différents ateliers de nos régions respectives, là déjà on a senti qu'il se passait quelque chose, musicalement, parce qu'en plus c'est une mélodie bon, qui a été bien sûr réfléchie, hein, qui n'est pas tombée du ciel comme ça, mais cette mélodie-là, je crois que rapidement elle a parlé à tout le monde, un peu comme une rengaine. Il y en a eu de nombreuses qui étaient toutes chargées d'une émotion dont on n'a pas idée. Wally Badarou. Et les Galoubets de Provence. Je me rappelle d'une répétition à Marseille, dans un gymnase. Ils étaient 200 et ils effleuraient à peine leurs instruments, ils caressaient la peau de leur tambour. Et c'était à pleurer d'entendre cette marche des mille susurrer. N'étant pas du sérail, ils auraient très bien pu rejeter quelqu'un extérieur à leur famille, à leur tradition. En fait, c'était tout le contraire. C'est le gage de la réussite de la chose venait de ce que je n'étais pas du sérail. Car si j'avais été l'un d'entre eux, alors ce serait posé des problèmes de frustration. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais les musiciens ont accepté le projet musical, au-delà de toute attente. L'essentiel de la préparation du bicentenaire, ça a été de travailler les esprits, travailler les relations, travailler la chaleur dans les relations, de mettre vraiment les gens en confiance. Et pour cela, j'ai eu beaucoup de bonheur. Petit à petit, s'est formé un groupe par région. Christian du Pavillon. Et on les a fait répéter dans une ville qui était au centre de la France. Hein, on a étudié sur le compas quel était le centre de la France. Et la ville était Parthenay. Alors, on a fait des répétitions à Parthenay avec donc un millier de personnes. Hein. C'était pas facile à organiser, mais il fallait faire en sorte qu'ils sachent travailler ensemble, faire de la musique ensemble, que les tambours jouent ensemble, etc., etc., et puis qu'ils marchent ensemble. Un des plus grands plaisirs pour moi, c'était d'emmener tous ces gens de chez nous là-bas. L'entre-soi, c'est très bien, mais l'entre-soi avec les autres, c'est quand même vachement mieux. Donc, c'est déjà, moi, ce qui m'a touché énormément, un certain plaisir, c'était fierté en leur disant, bon, allez, les gars, faites-nous confiance, on vous emmène, vous ne serez pas déçus, vous allez rencontrer plein de personnes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les répétitions, c'était extrêmement bien organisé, il y avait un accueil hors du commun, les repas festifs, pour chaque répète, c'était quelque chose, le voyage en bus... On parle souvent des équipes de rugby, mais nous, je pense qu'on pouvait même enterrer une équipe de rugby. Parce que, pour l'anecdote, on partait d'Autun à 5h du mat. Ouais, à 6h, les glacières commençaient à s'ouvrir et puis on partageait des petits plaisirs comme ça entre nous. Et ça a réussi, je pense aussi, à fédérer pas mal de gens. Pour ce que j'ai pu en vivre, moi, c'était une organisation d'exception. Michel Quatredenier. Des organisations de fêtes, j'en ai vu. Mais là, vraiment, j'imagine qu'il y avait un budget conséquent et que ça facilite bien les choses, mais il y avait quand même des gens qui se donnaient le mal de penser à l'avance à tout ce qui pouvait se passer, et vraiment, chapeau. C'était, je pense, des équipes qui avaient l'habitude d'emmener des figurants de cinéma. Jacques Lanfranchi. Donc qui étaient rodés à ce genre de travail, et nous, dans notre milieu où on est, j'allais dire, assez individualiste, on n'avait pas l'habitude de ça. Il y a juste quelque chose qui n'avait pas maîtrisé, musicalement, c'est que ce genre d'ensemble n'existait pas. Donc, faire jouer 1000 musiciens ensemble qui jouaient maximum par groupe de 3 ou 4, d'habitude 10 maximum parfois. Et donc, il s'était dit que pour nous diriger, il fallait des chefs qui étaient formés pour ça. Donc, ils ont fait venir à la première répétition des pipe-majors de bandes écossais. qui sont arrivés en kilt avec leurs bâtons et tout ça, et qui ont commencé à nous faire marcher en lançant les bâtons en l'air, et qui au bout d'une heure ont dit « on s'en va ». Ils sont repartis en Écosse en disant « c'est pas possible, on n'arrivera jamais à les faire marcher au pas ». C'est une catastrophe, ces gens-là. Donc, on a dû s'organiser. Ils ne savaient pas s'ils allaient mettre un rang de vielle, un rang de cornemuse, un rang de violon, un rang d'accordéon. Alors, c'est ce qu'ils ont fait au début. Puis après, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont regroupé les vielles, les accordéons et tout ça. Qui va devant? Ils ne savaient pas qui va devant. Les vielles, les cornemuses, les accordéons, les violons. Nous, on était à la fois concernés, mais on n'était pas décisionnaires. Donc, on voyait ça de façon humoristique. Le gros point très difficile à mettre au point, Patrick Garcia, c'était de nous faire marcher au pas. Ça a été le refus systématique, total. Il y a encore des gens qui aujourd'hui s'en souviennent en disant « Non, moi, jamais, on me fera pas marcher au pas, surtout avec ça. » quoi. Avec la cornemuse, l'image des bagades bretons, l'image des paillebandes écossais, où c'est quasi militaire. Quoi. Alors là, il y avait un refus total. Nous autres barbus, on voulait pas, quoi. Mais parmi tous ces gens-là, moi j'en étais, il y avait l'aventure humaine, quoi. Et il a fallu des trésors de pédagogie pour arriver à nous montrer que, je me souviens, c'était à Parthenay, une immense place, où on défile comme ça. Et puis on a vu que si on est une centaine à jouer ensemble, bon, on n'y arrive pas. Et on s'est aperçu, on a bien été obligé d'admettre que si on voulait commencer et finir en même temps, le meilleur moyen, c'était de marcher au pas. Mais ça nous a coûté. Hein. Les musiciens traditionnels rassemblés à cette occasion étaient effectivement majoritairement, je dirais, post-68ards. Donc il a fallu faire admettre qu'on allait marcher au pas. Et il est vrai que, à partir de là, certaines personnes qui s'étaient portées volontaires pour l'événement ont retiré leur participation et sont sortis des rangs. Mais il y a eu aussi un autre événement qui leur a fait adopter cette attitude. Ils n'étaient pas nombreux, hein, mais c'est que quand on s'est positionné en rang et en colonne, quand chacun a pris sa place et l'a noté pour avoir toujours la même place, tout le monde s'est rendu compte que parmi les musiciens, tous les, je ne sais pas, 5 ou 10 musiciens, il y avait un militaire du contingent, un bidas, un troufion, un appelé, qui était là, qui lui n'était pas musicien, mais qui était chargé, le jour du défilé, de porter soit une torche, soit un drapeau représentant une province de France. Mais ces appelés, ils étaient dans leur costume de travail, c'est-à-dire en treillis. Et certains post-68ards, un peu plus 68ards que les autres, avaient du mal à côtoyer l'uniforme guerrier. Donc ça a aussi accentué ce sentiment d'exclusion. Enfin bon, il y a une poignée de gens qui se sont retirés des rangs et qui ne sont pas revenus après. Tous ceux qui étaient restés en place ont accepté le principe et ça s'est bien passé. Mais il a fallu à tout ce monde-là apprendre à marcher au pas. Je pense que ça s'est fait gentiment, sans souffrance particulière. Vous portiez déjà une chemise à fleurs à l'époque ? À l'époque, je ne portais pas de chemise à fleurs et j'étais personnellement officier de réserve, ce qui me donnait certaines compétences pour marcher au pas. Non, le problème n'est pas de lever les genoux, je veux dire, le problème est d'être ensemble, tu vois. Parthenay, 4 mai 1989. Le paquet de musiciens qui n'ont pas fait leur service, puis qui viennent ici pour apprendre à marcher au pas. Il y a 1000 histoires, c'est toujours plein d'histoires. Non, ce qui était sidérant, c'est de faire un costume. Chacun avait son costume à son nom et à sa cote, quoi. Et pour autant de participants, c'est formidable. Deuxièmement, ils avaient tous un espèce de masque avec une lumière pour éclairer le visage. Un costume tout à fait goudien. Alors, ce costume était noir. Des chaussettes blanches, des chaussures blanches, je crois. On avait une espèce de sac à dos rouge sur le dos. Une espèce de petit sac à dos rond, rouge. Rond, qui contenait des piles. Un éclairage qu'on portait sur la tête qui nous éclairait le visage et l'instrument. Et certains ont prétexté que leurs piles ne fonctionnaient pas pour les remplacer pendant le défilé par des bouteilles de bière. Pour le costume, on était tous dans un auditorium, je crois, Parthenay. Et Jean-Paul Goud est venu et a présenté sur un écran géant les costumes. Donc il y a une grosse rumeur dans la salle, je me souviens, on s'habillera jamais comme ça, c'est pas possible, mais pour qui nous prend-on? Ils étaient assez contre, je comprends d'ailleurs, parce que quand tu joues de la trompette dans un petit village du fin fond de l'Ariège, bien, de se retrouver dans ce costume complètement avant-garde, c'est un peu compliqué. Alors, il y a eu, appartenait, des explications du costume, ça a été faire de la haute pédagogie pour que ça passe, et c'est passé. Moi, je crois qu'une fois de plus, il savait ce qu'il faisait, il savait où est-ce qu'il allait, il savait très bien que ça allait passer, il fallait le temps de digérer ça, surtout de comprendre, d'assimiler qu'on était au service d'un spectacle, d'une mise en scène, et ça fait son chemin. Moralité, ils ont aimé, puisqu'ils l'ont emmené, ils ont tous demandé de l'emmener. Et dans le train le lendemain, il paraît qu'il y avait des gens en costume de Goud qui jouaient, quoi. Ça, c'est bien, ça me fait plaisir. Bon nombre de ces gens-là, je pense, ont encore leur costume chez eux. Vous l'avez ? Ah non, je ne suis pas conservateur, moi. Non. J'ai gardé les baskets parce qu'elles m'étaient utiles. Mais autrement, non, ce n'est pas dans mon ADN, ça, la conservation. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont encore leur costume. Pour eux, c'était un événement dans leur vie, un événement marquant. Et je crois que la réussite est là aussi. Point fort pour moi, c'était la semaine précédente. Répétition du défilé toutes les nuits, tous les Champs-Élysées, bloqué de la Concorde jusqu'à l'Étoile. Et c'est là qu'on s'est aperçu que on n'était pas les seuls. C'était déjà impressionnant d'avoir, je ne sais pas si on était 1000 ou 998, quoi, mais enfin on était vraiment beaucoup, et voir qu'en fait on était qu'un petit bout du défilé. Et là, ça, de l'intérieur, c'était assez impressionnant. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait toute une délégation de Chinois. C'était en 89, c'était juste après Tiananmen. Donc on était un peu impressionnés de voir tout, et puis d'aller essayer de discuter avec le peu qu'on pouvait communiquer avec eux. C'était un gros moment. Et puis une délégation russe aussi. Qu'est-ce qu'elles étaient belles. C'est des images comme ça qui me viennent en y repensant comme ça. Et puis le défilé lui-même, je sais pas, c'est un nuage, quoi. Je crois que la descente des Champs-Élysées, je crois qu'on ne voit absolument rien. On est dedans, on se laisse porter par ce mouvement d'ensemble, on est concentré sur sa partition, sur ce que l'on doit jouer, et je crois que le monde à côté peut s'écrouler qu'on ne le verrait même pas. Je crois que c'est ça, c'était un peu comme un rouleau compresseur qui descendait les Champs-Élysées, qui n'avait pas le droit de s'arrêter. Après, il y avait une mise en scène quand on arrivait sur la place, avec la Marseillaise chantée par Jesse Norman. Dans mon souvenir, je crois qu'on ne voit pas grand-chose. Ça s'est terminé après Fiesta, là où tout le monde était heureux d'avoir participé. Tout le monde était heureux de repartir chez soi avec son costume, en faisant bien attention de ne pas oublier son instrument sur une pelouse. Parce que quand on se lâche, Et on rentre chacun chez soi, tout le monde était heureux. Les Champs-Élysées en révolution, sur les 2,5 km de la plus prestigieuse avenue du monde et pendant plus de 3 heures... Journal d'Antenne 2. Le défilé de toutes les folies. 15 juillet 89. Une gigantesque parade en 12 tableaux vivants. Le moment le plus émouvant au crépuscule. La Chine, un immense tambour encadré d'échafaudages de bambou, accompagné par les étudiants chinois, marchant vélo à la main, au son du vent et des sonnettes, portant dans leurs bras des enfants de tous les continents. Les soviétiques, sous une neige venue de camions citernes. Toujours plus fantastique, plus baroque et fou, jamais vu. Une locomotive sur les Champs-Élysées. Enfin, un tableau à part. Place de la Concorde, Jesse Norman, majestueuse, drapée de soie tricolore, chante la Marseillaise. Il y a eu un petit peu de déception dans la mesure où, bien sûr, le défilé a été très commenté dans la presse. Mais c'est pas du tout le tableau qui a le plus retenu l'attention des journalistes. Le tableau français, finalement, qui avait pourtant mobilisé bien plus Jean-Paul Goud et Wally Badarou que tous les autres, on n'en a pas trop parlé. Donc je pense qu'il y a eu une petite déception. En revanche, Ce tableau a énormément plu au ministre, à Jack Lang, qui, le soir même, s'est fait présenter les chefs de pupitre et il leur a dit combien il avait apprécié cette marche des mille, au point d'avoir envie d'organiser un grand événement musique traditionnelle dont on s'est ingénié à trouver le lieu et les modalités. J'ai vécu l'année suivante, l'année 90, à chercher à organiser ce fameux événement dédié, alors cette fois-ci, aux musiques traditionnelles. Et on n'a pas pu s'en sortir. On est tombé en plein milieu de l'opposition entre Rocard et Mitterrand, avec l'allié de Mitterrand, qui était le ministre de la Culture, Jacques Lang, et l'allié de Michel Rocard, qui était Michel Schneider, directeur de la musique et de la danse. Et on a été obligé de faire un pas de deux autour de ça. Et voilà. Donc ce grand événement des musiques traditionnelles qui devait avoir lieu dans le Puy-de-Dôme ou dans le... C'est ça, oui. Et il n'y a pas eu la première édition. Il n'y a pas eu le début du commencement. On s'est scratché, on n'a pas pu tenir le coup. En plus, on est tombé après sur un terrain où, effectivement, la région d'Auvergne était dirigée par Giscard d'Estaing. Donc là, je vous garantis que là, on a bien trouvé l'argument pour que les choses ne marchent pas. Et finalement, ce grand événement n'a jamais eu lieu. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce printemps des musiques traditionnelles ou cet été des musiques traditionnelles soit resté sans lendemain. En fait, je dirais assez habilement, les responsables du mouvement et notamment les responsables de la Fédération des associations de musique traditionnelle, qui s'étaient trouvés, je dirais, en quelque sorte un peu boostés par la marche des mille, ont réussi à obtenir une augmentation sensible des subventions qui étaient allouées aux associations. Mais surtout, il y a eu une sorte de volonté de développer une implantation territoriale du mouvement avec la création de ce qu'on a appelé les centres de musique traditionnelle en région. Et c'est également une période où on a vu apparaître de nouveaux festivals de musique traditionnelle. On a vu aussi, ça c'est je crois très important, se développer dans les conservatoires un enseignement des musiques traditionnelles. On a créé ici et là des classes de cornemuse, d'accordéon diatonique, de violon folk, ce qui n'existait absolument pas avant. Donc il y a quand même eu, je dirais, une suite. Ces 2 heures de marche sur les Champs-Élysées ont une préhistoire assez pittoresque et assez colorée, mais surtout une descendance importante dans la structuration de l'enseignement musical en France et d'une esthétique qui aujourd'hui, malgré tout, est toujours bien présente et même mieux reconnue qu'elle ne l'a jamais été. Merci à Jacques Lanfranchi, Michel Quatredenier, Olivier Durif, Patrick Garcia, Raphaël Thierry, Patrice Ogbar, Jean-Noël Jeannet, Christian Dupavillon, Wally Badarou et François Ganot. Merci également pour leur accueil au Château d'Ars, aux équipes du festival Le Son Continu. Prise de son, Yann Fressy, Gilles Gallinaro. Lecture, Romain de Becdelièvre. Piano, Pierre-Olivier Gandon. Mixage, Delphine Baudet. La marche des mille, un moment d'histoire, un documentaire de Victor Massé de Lépinay réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Un documentaire bien entendu à réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également le commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter c'est FabriqueFC. FabriqueFC, demain nous parlerons d'un web documentaire dans l'émission du vendredi, Le cloître et la prison, sur l'enfermement entre Moyen-Âge et époque moderne. Et nous recevrons l'historien polonais Karol Modzelewski.